Merci. Merci les amis et bienvenue. Et merci, merci. Merci pour votre présence. Oui, merci. Je vois vos commentaires. Je vous en remercie. Il y a des amis qui s'inquiètent. Pourquoi? Pourquoi ces petits silences? C'est juste. Comme j'avais promis que dans quelques jours, nous allons faire un long live de plus de 3 heures. Alors, il fallait regrouper les évidences, bah, préventes, contre pièce, il faut les regrouper en catégories. Tel groupe, telle catégorie, voici le préve, voici, voici. Alors, il faut qu'on prépare en gros, c'est ce qui nous prend un peu du temps au Tozalanango libre hein, pour les Congo. Tozali qu'on prépare live Nabisoana. Et mes chers amis, nous sommes en train de parler sur les choses sérieuses. Ce n'est pas important, tout le monde a cité Bino Kombo, Moko, Moko, ce n'est pas important hein, maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je disais que comme live n'a pas besoin de la moulaï, et cause à la vraiment live Oyo, on va nettoyer la résistance. On va nettoyer la résistance. Il faut nettoyer la résistance. Et peut-être que Tokotakana la résistance kakaboye, Batebele Bayebite, qu'est-ce qui signifie résistance? Et alors, peut-être c'est ce qui a fait que Todire Mingi sans résultat. Alors, il faut qu'on nettoie en gros. Et comme la résistance n'appartient à personne, comme la résistance est anarchique, c'est du chaos, alors ce n'est que normal que la résistance soit fragmentée. Alors, la portion. Où ils allaient dans Gamboya pays, il faut ils allaient nettoyer. Nettoyer dans le sens que nous devons travailler dans la vérité, dans la sincérité, sans kadiosha, sans ubwenge. Peu importe, mes chers amis, et ça, si je n'ai pas sauté, juste du verre. Peu importe, mes chers amis, ceux qui vont remarquer que la résistance était Batumi Balemi Satoumine. L'essentiel que Batumi Balemi Satouana, dans la vérité, dans la transparence, dans la sincérité, sans kadiosha, sans obwenge. Nous ne pouvons pas combattre le mensonge dans le mensonge. Tokoyiko lité contre mensonge, j'étais na mensonge. Donc, bozo pe ki sa mensonge, bozo lité contre mensonge, mais bozo utiliser pe mensonge. Alors, c'est inutile, ce n'est pas la résistance, ça. Ils allaient résistance, ti. Et, n'engen à l'obaye, que tous allaient préparer juste vidéo, là. Et, il y aura des histoires. AVC, vous allez bêler. Ngana okota na maite le kola kulutu mbanda. Ngana okota na maite. Bien ke na kota kana mai. Mena okota na maite. Ngana ko patruye na mukili. E nazali ko patruye na mukili. E nako yiko sinyale bino ke na katia mai na kota yi kelke par. E me nazo yu sabino bangando, bangolo, bandakala, ba. Kuna eza terrible ko swana terrible. Na koti, sanke ba yeba na koti. Na koti, je vi groupe penza, secret penza ya batwa mai, me sa ne va pa. Eza hypocrisie o bozomo na libanda. Hypocrisie makasi. Hypocrisie makasi, mes chers amis. Hypocrisie makasi. Il y a des choses sérieuses. Et puis, na koyebi sabino ke ezali ezalaki na tentative moko ya nak juste na résistance. Na découvrir yango, mais c'est honteux. Ezali vraiment soni. Je me demande ce qu'il faut que loba yango bien que loba yango te mais tochamo na frigo, mais je vous dis tentative ya narc. Ya ampleur moko na ko loba national ou international parce que nous sommes dans la diaspora. On n'est pas dans le national. Anak na diaspora. Et tozali ko senga vraiment biloko aboye, il faut cesser. Et cesser penza. Eza malamte. Tozali ko souffrir. Batu bazali ko souffrir. Alors ko ya ko kotsa susu ba anark et je remarque peut-être ezalaka déjà bandakala ou bien dengeni. Na découvrir yango quelque part anark na résistance. Et ça passe. Mais il faut, voilà, il faut avoir le courage. Hein? Il faut avoir le courage de dévoiler ma face. C'est bien. Il faut avoir le courage de dévoiler ma face. Ce que vous allez moutou yaboye, il y a qu'une identité na yoana. Il y a une identité qui vous a une résistance, vous a résistant. Mais vous utilisez banark et pas yabatou, c'est malhonnête. Hein? C'est vraiment malhonnête. Et ndengena lo bango, vous verrez des gens bazaliko se soutenir entre bango. Ils se soutiennent. Mastazana kop moko boye, il faut te soutenir. Mastazana kop moko boye, il faut te soutenir. Ezali penza mabe. Et que vous changez société dans la bisauté. Voilà. Et ça là qui peut-être du verre, mousseux, ce qu'il y a peut-être dans le ciment. Tout ça, on a frigo à Narcoana. Je pense que ce qui est basé à l'Andabiso, c'est de quoi je parle. À Narco, penza à Ndenga mabe. Je préfère encore natikalana mutu moko na résistance ou mi balé au bazali na vérité. Bata le kuta, escroquerie, anark, kadiosha, ubwenge, ezali penza pasi. Ezali penza pasi. Il y a des gens peut-être au bazo kanga na musika, bazo yoka na musika, ce qui se passe. Ba côté na nakatité. Je vous dis, mes frères et sœurs, na côté na kati, il y a résistance. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il faut vraiment nettoyer. Il faut nettoyer. Et tous allez ko senga na batu oyo, bazali ko résister dans la vérité, dans la sincérité. sans mensonge, sans autodestruction. Séparez-vous. Et ça, l'important, c'était qu'on a un groupe de 1 million de personnes qui est notre Zaba résistant. Mais na quatre qu'on a mensonge, Zali, narc, escroquerie, na quatre Zali, ce n'est pas important. L'important, c'est Zali, on a la vérité, même Yomoko. Au Tikalata, Yomoko, mais Tikala na vérité. Tikala na vérité. Je pense qu'il y a une erreur où il est quelque part. Ba mi ba bandima ba kote sangana ba aventure oyo ya résistance. Il croyait que na voya le kola même. Non, c'est pas moi. Ngaite moto na koya ndingwana. Ngaite. Ngaite. J'ai reçu deux appels na Kinshasa, bato Kinshasa. Appel moko na sens moko ya menace. Que ce que continue que l'obé la maman, on a biso peut être attaqué. Mais moi, je dis, pour attaquer M. Yombi, na yebite, yango kout na zo senga. Il faut qu'attaquer ye avec vérité. Yango na zo senga. Si vous connaissez quelque chose, yanga yu venez. Je vous assure que naza moi populaire, moi popularité moke naza nango. Eza po na ba Congolete, eza po na résistance te. Moi, je suis déjà populaire na mboka na vandi. Très populaire. Eza ba Congolete, ono ba bozo fula yo, bozo fula mutuana. Bozo fula ngate, na fula makala. Esika na vandi mboka mobimba, bazali 60 millions. Bazali 60 millions. Na fula makala, na kati na bango, nde konanga ya province nanga azate, nde konanga ya region moko azate, nde konanga ya pays nanga azate, nde konanga ya couleur moko nanga yi. Atika lo kote nanga te, kufula nanga te. Na fula makala. E sachele ke na yego fula mape, na ndambo ba yebi nga na Congo, na fula mipo na Meshe Mbanda te. Il faut le savoir. Alors, toti kande lukuta, toti kakadiosha, toti ka mensonge, toti ka escroquerie, toti ka ba narc, eza mabe. Bon. Toyoki ke, toyoki te tokota ki nase amai, on a vu quelque part que Kulutu Mbanda a kozala enterré le 4 mai. Na ebite so eza secret, mais je pense que eza secreté parce que Monsieur Mbanda azali homme public. Azala ki homme public, azala ki homme politique en mboka na biso public. On a parlé de tout le monde na mboka na biso bakufa. Malula est morte loba pona ye, bachebe sont morte loba pona bango. Tshisekedi wa Mulumba est morte loba ki pona ye. Tozela ki te no respect. Et personne qui vient à net à wapona ko définir biso, qu'est-ce que signifie respect des morts? Moutou moko te azoya. Toujours oyo ka banzembo. Ba slogan kaka lokola batwa IDPS. Oyo ka peuple d'abord, le peuple d'abord. So tout limango ça signifie quoi ba yebite? Na diaspora pe to yego zoa. Respect des morts. Respect des morts. Alors, bazo définir te. Qu'est-ce qu'ils comprennent par respect des morts? Koloba komba moutou akoufi eza komanke et respecté. Et surtout que Moutouana Zala qui est en public, que le bakombo na ye, ça qu'on manque et respecte. Bien au contraire, bat bazo manque et respect, bo yebi bango, bazali ko bunda po na ba poste, na outo yebi sabino na kota ki na sekuna na mai, c'est grave, bandakala, ba nina, c'est grave, c'est gâté là-bas, c'est gâté, je vous dis, c'est gâté. Tout ce que vous voyez, les bandes apparence, hypocrisie, c'est gâté na mai. Bon, voilà. Si je n'habite pas comme Bomoni, tu y es Awa, Ezali, tu commets en gros Tchad, quelle leçon pour nous? Donc, ma cambozo le canal Tchad Sikoyo, comme vous le savez, le président tchadien Idriss Déby a été assassiné. Alors, on se pose la question, leçon nini pour Nabiso na Congo? Togo me la mingite, lelo, peut-être. On promet toujours, mais to respecta angote, on est désolé. Idriss Déby, comme vous le savez, a continué à pouvoir en Tchad vers les années 90, oui. Et par un coup d'État, Ayaki Ko a renversé le président Hissène Habré, Ouazzali na Maroc, en exil. Ayaki Ko a pouvoir tellement balemba ki dictature, souffrance avec Hissène Habré. Et tango Idriss Déby ayeko renversé, les citoyens lambda ya Tchad de Bazala qui ne sengo makasi, na espoir que souffrance na bango ou Bazali ko traversé et ko diminuer, ko zala atténuer. Mais hélas, ezala ki souhait na bango, c'est le contraire oyo qui s'est réalisé. Nakokende na ba détails nyo sauté concernant Idriss Déby. Ce que je peux vous dire, c'est que Idriss Déby na tango akoti a eu pouvoir, intention na ye ba slogan na ye ezala ki malamu. Ba point ebele ou etindaki Idriss Déby a dérapé. Parmi ba point na nyonso, na kozwa kaka point moko. Point wana ezali ke Idriss Déby na tango azwi pouvoir, il n'a fait que presque nommer les gens de sa tribu, de sa province ou sa région. Voilà parmi biloko o etindaki ke, au niveau politique d'abord, Batouba banda ko s'opposer na ye. Idriss Déby était un vrai népotiste, un tribaliste. A du pouvoir, partout na ba place stratégique, il ne faisait que ko engager, ko nommer. Batu ya tribu na ye, batu ya province na ye. Batu ya politique na Tchad, babandai ko sala, ko contester façon wana. Parce que quand vous devenez président, vous n'avez plus de tribu, vous n'avez plus de province, vous n'avez plus d'ethnie. Vous devenez national. Mais Idriss Déby, abandai ko mona makambo na sans wanate. Il s'est fait entourer par sa tribu d'abord et il a commencé par nommer Batuya tribu naye. Contestation est longue na Batuya politique et côté siko na ba militaire. Ce qui a coûté Batu, à Longo Libango, il les remplace la plupart par Batuya tribu naye. Yango Bozomona, ba groupuscule, ya ba rébellion et bandaki ko salema. La rébellion dans un pays n'est pas une chose à souhaiter. Nous sommes contre la rébellion. Mais au niveau africain, moi je pense que ce sont les leaders africains qui provoquent ces rébellions. Bango, ba leader africain qui provoque leur rébellion. En quelque sorte, je dirais, ce sont eux qui créent des rébellions par leur méthode de travailler. Voilà aujourd'hui, Idriss Déby assassiné, mais avec nos regrets. Ma condoléance n'a pas sa famille naïe, biologique, mais on ne souhaite pas nos condoléances à sa famille politique parce que cette famille politique n'a pas aidé Idriss Déby de bien comprendre la gestion de la société. La gestion de la société n'est pas une gestion tribale, n'est pas une gestion d'ethnie, n'est pas une gestion de province, c'est une gestion nationale. La question qu'on s'est posée ici, Ezali Akoyeba, laissons ni pour na biso ba congolais. Il faut éviter la méthode d'Idriss Déby ou bien continuer la méthode wana ya Idriss Déby. Ce qui se passe dans mon cannabis, vous voyez bien très bien, dans le bakango toujours, je le répète à tout moment. Le président de la République démocratique, de la République a démocratisé le Congo. Toyebi tendance ya président Oyo. Il n'a jamais nommé plus de 2, 3 personnes, 4, 5 personnes, sans que la majorité ya nomination na ye, ezalabatu ya tribu na ye. Quand le président congolais nomme 10 personnes, 8 personnes proviennent de sa tribu. Quand le président congolais nomme 5 personnes, 3 personnes proviennent de sa tribu. Est-ce que c'est une bonne manière de gérer la chose publique ou bien c'est provoquer des conflits? Les gouvernements Sama et Outiko Bima, c'est un gouvernement qui est composé de 56 ministres, donc ministres, vice-ministres, vice-premiers ministres. Au total, 56 membres. Au Congo, nous avons 423 ethnies. 423 ethnies, cinquante-six ministres, 12 ministres de la tribu du président de la République. Et c'est juste pour la gestion de la cité ou c'est injuste? Tozali bikolo na mboka na biso 423 bikolo oto bengaka minoko. 423 minoko na mboka na biso. Na logique des choses, le président de la République est le père de la famille. La famille, c'est le pays. Quand le gouvernement de ce président nomme 56 ministres, et privilégie 12 ministères pour sa tribu, que diront les restes des tribus qui ne sont pas représentées? C'est ce que Idriss Déby avait fait au Tchad. Nena uti kolobango, toute nomination, il y a président, il y a Congo, il y a toujours sa tribu qui est privilégiée. Est-ce que les Congolais doivent se taire ou dénoncer ce tribalisme au sommet de l'État? Il faut dénoncer ou bien qu'on privilégie tribalisme au sommet de l'État, népotisme au sommet de l'État. Bolanda, quand je dis que Félix ne fait que nommer dans un poste stratégique le membre de sa tribu, à 2 ans déjà, voyez-vous le niveau de nomination au Assali? Où la majorité sont des gens de sa tribu, et après 5 ans, Congo est aux alandengenini. Moi, je suis un scientifique qui observe la société et qui prévient ce qui peut se passer dans le futur pour que les gens, les décideurs, prennent les décisions pour ne pas arriver aux conséquences néfastes. C'est ça le rôle d'un professeur. C'est ça le rôle d'un intellectuel. C'est ça le rôle d'un observateur politique. On observe la société, on prévient, et maintenant c'est le rôle des décideurs de décider. Suivez ceci. La Cour constitutionnelle, Félix vient de nommer le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kaluba, de sa tribu. Le parquet général de la Cour constitutionnelle, de sa tribu. La Cour de cassation, de sa tribu. La Cour d'appel de Kinshasa, de sa tribu. Le ministre de la Justice, de sa tribu. Dites-moi si c'est vrai, il n'y a que les citoyens de la tribu du président de la République qui sont capables d'accomplir ces tâches dans ces positions que je viens de citer. Je répète, président, il y a cour constitutionnelle, il y a tribu, il y a président. Parquet général, il y a tribu, il y a président. Cour de cassation, il y a tribu, il y a président. Cour d'appel de Kinshasa, il y a tribu, il y a président. Ministre de la Justice, il y a tribu, il y a président. À la présidence, 1018 conseillers et agents, 1009 de la tribu du président. Qui est tribaliste? C'est le président de la République ou c'est qui dénonce le tribalisme? Nani Azali tribaliste? Ezali président ou bien Batu Oyo Bazali ko dénoncer tribalisme? Rappelez-vous, chers amis, na YouTube, na Biso Oyo, Ezali na post moko live moko ya introduction, où j'ai bien dit, mission nangai, ma mission, c'est de lutter contre le régionalisme, c'est de lutter contre le tribalisme, c'est de lutter contre le népotisme, c'est de lutter contre les antivaleurs. Quand un président nomme, comme la liste que je viens de vous citer ici, c'est un antivaleur, c'est un tribaliste, c'est un népotiste. Voilà ce qui a poussé Idriss Déby n'a pas conséquence au à subir. Idriss Déby a été induit en erreur par sa tribu, par sa région, sa province. Il croyait être dans le bon. Mais hélas, ça a provoqué ce que nous regrettons aujourd'hui. Est-ce que pouvons-nous tirer une leçon de ce qui se passe au Tchad pour corriger nos erreurs au Congo? Parce que la méthode opératoire d'Idriss Déby, c'est la même méthode que Félix est en train d'utiliser en ce qui concerne des nominations. Mes chers amis, Mboka Oyo, ezali Mboka na biso. Oui, ndeko azotuna Adolphe, azotuna Idriss akufi. Idriss auti kokufa, ale mbuma, auti kokufa. Mutuma ngongi, kozanga koyoka. Quand vous faites entourer par batu oyo bazali na ba intérêt personnel comme Félix, ba conséquence, il faut causer la kaka ba conséquence ya boy. Mes chers amis, tokoya na ba information boyoki na Kinshasa na Congo, Félix a renvoyé ba gens ébélés ya sécurité. Alongoli ba gens ébélés, soit à suspendre bango. Il semble que bazali ben incompétent. Mais le premier incompétent, c'est Félix lui-même. Je n'arrive pas à comprendre que non, le président de la République vient de révoquer ses agents parce qu'ils sont incompétents. Si le Parlement congolais était Parlement, Félix serait révoqué pour incompétence. Il ne faut pas en parler parce que Félix appartient à une tribu qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas parler contre. Mais les gens oublient qu'ici, il s'agit bien de la gestion des affaires publiques qui vous concernent, qui me concernent, qui concernent tout le monde. Félix, lui, est compétent. Ses conseillers, incompétents. Parlement, incompétent. Gouvernement, incompétent. Gouvernorat, incompétent. L'armée, incompétente. Le service de sécurité, incompétent. Sauf Félix, par miracle, lui-même, très compétent. Ça s'appelle le Congo. Ce que nous regrettons au Tchad, c'est que c'est cette culte de personnalité, de familles qui sont devenues intouchables. Voilà le président assassiné. Automatiquement, c'est son fils qu'on remplace. En Afrique, nous ne voulons plus de militaires à la tête de nos pays. On n'a pas besoin de militaires. Les militaires sont là pour sécuriser la nation et non pour gérer la nation. Et là, ça c'est l'Afrique. Il faut l'accepter parce qu'il est fils d'Idriss Déby. Voilà, entre guillemets, les Joseph Kabila des Tchadiens. Lui, au moins, il semblerait qu'il a fait des études quelque part, le fils d'Idriss Déby. Mais au Congo, on a vu parachuter Joseph Kabila, qui est venu avec des bottes, qui n'a jamais fait une étude post-primaire. Après Kabila, on voit nous parachuter Félix Tshilombo, qui n'a aucun certificat primaire, même secondaire, je dirais. Président de la République, et il faut l'accepter. Vous êtes obligé de l'accepter. Afrique, c'est allé au Kendeka Kaboué. Na Congo, bana ya Beni, bazali kozela Félix, vous avez vu des images où les élèves des écoles primaires, bakekosala sitting devant la mairie de Beni pour exiger la présence de Félix à Beni parce que ses élèves ont des questions pour Félix. Il les avait promis à aucun de cohabiter na Bango. Quand un président promet, il doit les réaliser. Mais hélas, les Congolais, tous allés habitués aux promesses d'un président de la République, que lui-même ne sait pas s'il a promis ou pas. Le président de la République est occupé à corrompre le député, soi-disant député. À ce moment où nous vous parlons, la distribution des 12 000 dollars à chaque député pétitionniste, 12 000 dollars à chacun, pour faire passer le gouvernement Sama. Boyekolanda, le ministre, la ministre, disons, vice-ministre ou ministre de l'enseignement. Vidéo Ezali Zotambola. Ministre de l'enseignement qui ne sait pas formuler une petite phrase en français. Le président lui nomme ministre de l'enseignement. Bon, peut-être que la ministre est une anglophone ou chinoisophone ou russophone, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai suivi cette ministre, c'est vraiment pitoyable. Il y a des révocations en cascade. Nabatu ya Mulili na Congo. Hier et aujourd'hui, ça continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le ministre de la Défense nationale. Et les beaux-frères de la femme du président, les beaux-frères de Madame Denise Nyakeru. C'est-à-dire, le ministre de la Défense s'est marié avec la grande sœur de Denise Nyakeru. Népotisme. Népotisme. Il faut en parler ou bien se taire. Moi, je vous ai dit même à la présidence, les conseillers de Félix, je le répète à tout moment. Soki bomoni Félix a nommé Moutou, y a province Moussous. Soki bolandi très bien. Il y a une relation entre cette personne et la famille de Félix ou la tribu de Félix. Ce qui bomoni Félix a nommé Moutouya province Moussous, c'est que la personne a une relation avec un membre de la famille de Félix ou la tribu de Félix. Comme Naebi Sakabino, chez moi, dans mon village, Félix Azaline a conseillé, entre guillemets. Mais à quelque se retrouver Kakabouete pour la mérite, que Félix cherchait des conseillers, bon voilà, elle mérite, cette personne mérite, et vous voyez, à comment conseiller? Non. C'est parce que cette personne a des relations intimes avec Topin Kabongo. Et on me dit, bon, yombi olo bagambingi, il y a votre frère de Pai Kongila de Kibolo. Bana Kibolo, mbote na bino. Mais cette personne de Kibolo, il y a une relation avec la famille de Félix. Et pays na biso après 5 ans. Et qu'on commande nini. Parce que ma poste stratégique y a boyé. Félix a évité que na Équateur, il y a des juristes. Au Kivu, il y a des juristes. Au Katanga, il y a des juristes. Dans le Bandundu, il y a des juristes. Dans le Bas-Congo, il y a des juristes. Dans la province orientale, il y a des juristes. Et quand vous prenez comme ça des postes stratégiques, 5 postes stratégiques, la justice n'a biso, vous ne donnez que aux gens de votre province. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est votre intention future? Quel est votre projet? Je préfère mourir avec ma vérité. Ezala boyé 1 million ou bien les Congolais tozali 80 millions ou 100 millions. Tout le monde bokondane ngai. Mais nako préféré na kufana vérité na ngai oyo. C'est ce que nous dénonçons. Même dans la résistance. Il faut qu'on soit capable de séparer, de distinguer entre amitié et la résistance. Dans le Bakango, toujours, la résistance n'est pas un club d'amis. La résistance, c'est un club de penseurs. Et quand on parle de penseurs, c'est-à-dire les gens qui pensent, comment changer, comment résister, comment résister à un mal, comment résister à une occupation, comment résister à un système. Et Zali Kleb Yaba Mité, qui se soutiennent dans les crimes. Nakoyi kozala ami na yo proche dans la vie sociale. Mais en ce qui concerne la résistance, si vous dérapez, on reste ami dans la vie sociale, mais dans la résistance, vous n'êtes plus ami. Je vous condamne. Parce que c'est ce qui nous résistons. C'est illogique. Franchement, il y a un problème dans la tête. Illogique que nous combattons ce qui se passe chez nous. Nous résistons à ce qui se passe chez nous. Mais entre Bissot, le groupe Nabissot, ce que nous appelons résistance, bah, pratique, on est toujours condamné. Et pas y a Kabila. Et pas y a Félix. Et pas y a Bokipan. Bisopé tozali ko sala yango. Alors, pourquoi vous résistez? Vous êtes juste de résistance sans conviction. Vous êtes juste de résistant de forme et non le résistant de fond. Forme kakababenga yo résistant. Ah, wanaza résistant. Naza résistant. Oza résistant, oui. Vous résistez contre quoi? Vous résistez pourquoi? Nous résistons contre le mensonge, les tueries, de diabolisation, Kadiosha, Ubwenge. Oui, c'est très bien, monsieur, madame. Est-ce qu'autour de toi dans la résistance, il n'y a pas de mensonges? Il n'y a pas de diabolisation? Il n'y a pas d'Ubwenge? Il n'y a pas Kadiosha? Regardez-vous en face. Regardez-vous en face. Tout le monde n'est pas demandé à être résistant. Non. Bamboka onyon soba sala résistance. La résistance juive, la résistance tamile, la résistance coréenne. Il y a des gens qui sont demandés, préparés pour conduire la résistance. Il faut faire l'introspection. Est-ce que je mérite d'être résistant? Est-ce que le fait qu'il y a un bon secret entre vous? Secret, bien sûr, en ce qui concerne notre pays. Est-ce que ça vous fait un résistant? Moi, je ne pense pas. Vous êtes traître, vous êtes complice. Ozali traître, ozali complice. Moi, personnellement, pour nakoya na résistance oyo, biloko nyonso, j'avais pensé à ça. Parce que club yabami ezali ebele. Na katwa na club yabami, batu mususu ba excusez-moi, il faut qu'on en parle, batu mususu bazali ba makangu. Bamakangu bazali, batu mususu bazali na banyongo, comme ozana nyongo nanga, nga naza résistant, il faut soutenir nga. Soko soutenir nga te, il faut foutre nyongo nanga kaka lelo. Batu mususu bazali bamakangu, nazali na bafoto na yo ya mutakala, soko denonse nga na mabena nga nazo sala, nako publier yango. E bato bazo banga, ba piblie mutakala na ye, azo banga. Bato msu bazali na résistance pona wakamba mukanda, azala mukanda te, akomi résistant. Bato msu bakoti na résistance sans que ayeba. Pourquoi akoti na résistance? Soka yoki slogan ye pa répété. Baboto libi somboka ye pa répété, baboto libi somboka. Ce que tout n'y est comment explique, incapable d'expliquer. Batumusu bazala ba makango kala, ba bomba na ba photo. Na découvrir bango. Ça ne va pas. Et na pesa kabino exemple. Na pesa kabino exemple. Il y a Laurent Désiré Kabila na Che Guevara. Che Guevara a yoka Laurent Désiré Kabila na musika na ba radio international. Che Guevara a se déplacé à Keiti na Congo na Maki et pas Laurent Désiré Kabila. Na ko yoka yoka ki croyait qu'il était sérieux. Che Guevara kei na maki et sika Laura Désiré Kabila zalaki. Il a passé 3 mois avec Laura Désiré Kabila. L'intention de Che Guevara était de rester longtemps, aider la résistance congolaise, aider Laura Désiré Kabila. Mais hélas, surprise pour Che Guevara, il a découvert que Laurent Désiré Kabila aime beaucoup les femmes. Laurent Désiré Kabila aime beaucoup boire. Ce qui a mêlé contrôle les insultés. Laura Désiré Kabila lelo mwasi mosusu lobi mwasi mosusu lobi kuna mwasi mosusu. Che Guevara aye au conseiller Laura Désiré Kabila, quand vous faites la résistance, faites attention na basi. Soki o balate, bala mwasi. Tozali batu. On a des besoins. Mais, koltambu la, lelo mwasi oyo, lobi mwasi oyo, lobi mwasi kuna, okoye bate bako piège yo na mwasi nini. Tika komela masanga mingi. Soki o lini komela, somba masanga, nanda kuna yo, omeli, olali. Me obimi libanda na musika oke komela. Olangwe. Le gouvernement contre lesquels ozali ko résister, bako yiko profite nango. Po basalo mabe. Laura Désiré Kabila ayoke la ki Che Guevara te. E Che Guevara e rentré. Ezali ko leka mingi na résistance na biso. Il y a des choses qui ezali koleka batu mususu soki bozo ka bango na musika atingami na eloko eloko la tingami nango azali ko se considérer peut-être ya mwasi nanga ou bien ya mobali nanga na kotika te. Il y a des choses il faut attendre la vidéo de 3 heures vidéo vérité. Na résistance, biloko ane sala magate. Na résistance, biloko ane sala magate. Ngai, na koyiko pesa bino exemple, na yoki, il semblerait que ya bandeko msusu soki na lobi ngai, basepela kanangote. Il y a des gens qui m'écrivent bongai bongai le kimingi, mais oui, il faut parler de moi-même. N'a pas exemple à nani. N'a pas exemple à nani. Parce que, si n'a pas exemple à moutou, bon, il y a te pour droit de y a réponse, il faut que je parle de moi-même. N'a ye koye bana, n'a mboka kore. N'a ye kore marke ke, ezali pe na bande kwe bele, msusu pe bande ko msusu ba koreyen même si ba yebi singa bo ete mais ba sepela kate mupaya oyo mutu mwindu africain aya kozwa place ya bo yepo na biso e pa ina biso biso moko tozali pe na diplome wana tozali kozwa te moi sentiment wana pe ezali c'est normal partout na monde ezalaka qu'est-ce que je fais. Je pensais na ba méthode oyo les gens utilisent pour ba kitisa yo, pour ba détruire yo. Entre autres, kokende ko tambola pamba pamba, ba fête, entre autres basi, entre autres komela masanga. Je me suis dit na yebani sikoyo mingi na mboko yo. Nazali na mwasi. Na okende jamais komela masanga. Na langwa. Na zanga kontrol. Biro na ngai soki oye, ozali mwana mwasi. Étudiante ou non étudiante. Porte na nga eza ya kofungula. A moitié ouverte. Bato bele wando tu nanga, surtout ba étudiante bien sûr, na bato msusu abasi. Mais pourquoi soki to ye to kuti porte na weza okanga, yo za na kati. Mais soki to koti, o telemika même pour recevoir bato wa koti, o vandis piso na kit, mais o tika ka toujours porte ya kofungula mwa muke. Na yu sa kabango toujours, na linga ka etoufu mate, na linga mo pepe kota. Oh non, klimatize rezalite. Non, na si porta klimatize rete. Non, c'est pas pour ça. Juste pour na me protéger. Parce que quelqu'un, moutako kota na kata bureau na yo, ayaki na mission na ye. osimbi yete mutabani oganga asimbi ngai pona ko éviter biloko wana popularité nanga esila. Voilà comment na bande ko me comporter, comment je me comporte. Na ye komona ke en hiver, même si ba couloir ya ba bureau ba professeur chauffage ezali, mais air moko ba fenêtre ya couloir ezalaka ko fungula. J'ai demandé na université na tchaba caméra. Caméra na porte na libanda, caméra na katia bureau nanga. Na tango koti na bureau nanga, d'abord je vous informe, nazali na ba caméra juste pour ma sécurité. Parce que l'université avait accepté, il fallait demander l'autorisation de la police. Oui, qu'on filmait, na katia bureau ça va. Mais libanda na couloir, c'est tout le monde qui passe. Okoyi ko filmé batunion sauté. Alors, j'ai demandé l'autorisation à la police, n'expliquer, na kei ba yokingai, pourquoi, n'expliquer, ba bibo. En tout cas, ozan a raison, c'est prudent. Ba autorisé nga. Ezali bilok, ezali ko boma. Résistance na biso. Ndenge tolobaka batu oyo peut-être bazui chance te de lire quelques ouvrages sur la résistance ba comprendre te makamu na zoloba. Kokota na résistance, il faut ko sacrifier makambu mususu. Ya vie na yo privé, il faut ko sacrifier yango. Aucune résistance ou ezalaka na sacrifice te na vie na yo personnel. Aucune résistance. Au moins, ba résistance sou soko mela masanga mingi, il faut tika masanga. Parce que ba koyoko profiter nango. Il faut ko tika makamba ko landaka basi pamba pamba. Ba koyoko profiter nango. Il faut kotika makambo ya kolinga ka mibali pamba pamba. Ba koyiko profiter nango. Faut kotika makambo ya kokosa makambo. Yango nde bozo lite contre yango, contre yango. Kadiosha ndenge na uti koloba. Comme je vous ai expliqué que et pas ina biso ba congolais. Soki botali ba combine des amis o nazali koloba. Ba kombino na mingi ezali, soit groupe ya masanga, soit groupe ya batu ba lingana, na tango ba lingana, ya de gens oyo ba kendaka au-delà, ya ba sentiment, ya amour, ba video, ba photo, ba zo garde, mobali ya sengi ye photo, ya nudité atindi, mwasi ya sengi ye photo, ya nudité atindi, tellement que ozali ko sala mabe na résistance. Ozo bebisa. Ozi mbongo, corruption. Kamarade na yo amoni yo moya denonse yo. Ezate. Pourquoi? Parce que azana video na yo amutakala. Parce que chez nous les Congolais, soki bo bebani na mwasi be mbali. Eloke yaka liboso, video mutakala. Babwa kina net. Batu ebele pona honneur na bango, ba yoka sonite, ndeko o azali na résistance, tala makambazo sala. Mais na denonse ye, te, na ko denonse te. Soki na denonse, azana ba video na nga mutakala. Donc, je disais que, pona okota na résistance, ba kota kangulu ngulu te, il faut okota eske ozali préparé. Est-ce que vous allez préparer? Et encore, tu as la résistance. Ce que nous remarquons, non? Batou bakota na résistance, peut-être aminaye, monsieur Yombe a la résistance, il n'y a pas côté de la résistance. Sans kotuna, on résiste contre quoi et pourquoi? Tu vas tout rater. Tu vas résister contre quoi? Est-ce que résistance au tozali ko sala contre loko wana et ko ya ko rattraper yote que yope ozali ko sala loko wana. C'est là où bamde ko belé au tozali ko benga soit disant résistance bami tout nakate. Est-ce que ko résister ozali ko résister contre le pouvoir en place contre les occupants? Ma kambo bazali ko sala, ezali ma be. Oui, omoni yango ke ezali ma be. Est-ce que ma kambo wana bazali ko sala? Yo, ozali ko sala yango te? Autour de toi, omoni moutou moko te, aza ko sala yango, azali pena résistance? Ozali ko senga na ba ami na biso bazali, awa s'il vous plaît, soki boko yuko tcha ba j'aime bele, soki boko yuko tcha ba like, et ko yede biso po, boyebi ke to koti na liste ya batu bazo signale ba video. Je vous ai dit la fois passée ke bande konabiso bazali ko supporter Félix ba tindi ba lettre na ba pays presque nyoso. Ba kangangai bazo nisanga na Congo. Mais ce que je leur dirais que arrêtez kokanga M. Yombi, kozong sa ye na Congo pour bobo maye, et ko pesa bino solution mo kote. Ce qui est important, parole ya M. Yombi et ko tikala, de résister contre le mensonge, contre la diabolisation. Contre Kadiosha, contre Ubwenge. Ayez le courage de dénoncer. Bozalana 100 fois, c'est notre pays. Lelo Osokiboyo qui, par exemple, Mutuloko la Kimbangu, et si Kazali, Azaline et Sengomakasi, parce que il a résisté. Il a parlé. À cette époque-là, nous avons consolaté contre ma colonne. Il l'a fait. Je pense que si Kazali a une sonité, que Okufa n'a vérité Oyo Yebi, tu as dit que la banane n'a pas son nini. On n'a qu'un seul pays, pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. Ayez le sang-froid de parler. Ça ne va pas. Un président qui nomme au poste stratégique Kakabatu Bandeko na ye. Même un royaume, même le pays qui sont dirigés par un royaume, on a une approche statutaire. Si vous suivez très bien, la Grande-Bretagne, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Ce qui est bien leur chef, c'est la reine. Est-ce que vous avez déjà vu un premier ministre britannique, un premier ministre australien, un premier ministre new-zélandais, un premier ministre canadien, nommer que le gens de sa tribu ou de sa province? Bomona wapi. Dans les histoires de ces pays-là, aucun pays ne s'est plongé dans le népotisme. Et pourquoi au Congo, il faut se taire à ce népotisme? Nous sommes prêts de mourir. Nous sommes prêts de mourir pour notre pays. Et ces pays où vous nous accusez, ce sont ces pays qui nous demandent de diriger nos pays africains avec l'approche démocratique. Si eux ont lutté contre le népotisme, le régionalisme, et pourquoi pas nous? Bolim Sangay. Pourquoi pas nous? On appelle par la violence. On appelle notre population de se mettre debout et de dénoncer ce tribalisme à la tête de notre pays, ce népotisme à la tête de notre pays. Botala na Beni, Batuboni Bazokoufa. Il y a un frère qui est à Beni qui m'a envoyé par courriel, je pense, 10 photos. Na fungoli kakami balé. Je n'ai pas supporté à regarder. Je n'ai pas supporté à regarder. Entre-temps, le président à Kinshasa en train de corrompre les députés pour que le gouvernement de sa tribu passe à l'Assemblée nationale. À Beni, les Congolais sont massacrés. Pour changer ces choses ici, aucun pays moderne a changé leur société sans l'apport de la diaspora. C'est pour cela que vous voyez que la diaspora est constituée la plupart de gens qui se lancent dans le transnationalisme. Ils comparent ce qui se passe dans leur pays d'accueil et ce qui se passe dans leur pays d'origine. Ils se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Alors, Bangonde Batubazali n'a plus de liberté d'expression. Il doit y avoir une connexion entre la diaspora transnationaliste et le citoyen resté au pays. Mais attention, maintenant, c'est ça la question qu'on se pose. Quel type de la diaspora? Une diaspora négative ou une diaspora positive? La diaspora négative, c'est la diaspora, on a tout expliqué, où vous trouvez des gens, où vous trouvez des résistants, qui au fait ne sont pas des résistants. Ce sont juste des chahiteurs. Ce sont juste des chahiteurs qui ne comprennent pas au juste qu'est-ce que la résistance. Comment travailler dans la résistance pour arriver à un résultat escompté? Non. Et pas na bango, c'est-à-dire que mabe koki kozala, tokoki kosala mabe, kabila kuna zo sala kadiosha, Felix zo sala kadiosha, biso pe na diaspora kadiosha, kabila kuna zo boma, biso pe tozo boma, kabila kuna zo, Felix zo détruire, biso pe to détruire. C'est comme ça. Et sorte ya ba résistance ya boye, y aura aucun résultat. Tiye sokoya, aucun résultat. Ezali batu oyo bazali ko résister contre le mal te o ezana mboka, il résiste contre nzala na bango o bazana ngo. Donc il faut kota na résistance pour peut-être bakopesa nga musala quelque part. Na kota na résistance pour que Félix ayo ko kombo nanga abenganga. Na kota na... D'abord, vous verrez qu'il y a trop de gens qui ne travaillent pas. Ou bazali ko vivre na ba cotisation ya ba membre na bango. Mais bazoko yebi sabino cotiser poto sale loko boye, cotiser pour la résistance, cotiser pour ceci, mais en réalité ba cotisation wana ezo kende na mabumu na bango, ba sala ba fête, ba somba bilamba, ba futa bandako. Mais vous, on vous dit cotiser pour la résistance. Et quand vous questionnez ça, parce qu'il y a des histoires là, les gens disent, bon, yo kolobe la batoua n'était parce qu'il est taliban. Non, ce sont des choses publiques. Peut-être, boyebi gestion, y a mbo kandenge za lakate. Et lo kongandenge naza, awa, soki naza okanisa na salis organisation. Na concept nanga, naza na besoin na créer une organisation. Cette organisation, na moutou nangaye, appartient à M. Yombi. Dès lors que Nabimisi organisation est comme public, Batoubaye Kokota, Mibale, Misato, Mine, 10, 20, 30 000, ce n'est plus une histoire privée, ça devient une histoire publique. Yango Bomonaka, ba église, ba association, ce qui m'a bé koti, l'État a intervenir, soit à Kangi Yango, soit à suspendre Yango, soit à Botoli Yango. Ça devient public. C'est ce que nous parlons, par exemple, l'actualité à l'élo avec la Pareco. La Pareco, c'est une histoire publique. Ce n'est pas privé, c'est public. On ne peut pas interdire le public pour que ça la commentaire na l'élo ou ezali public. Jamais. Et ça, le kangama yebale. Au kokati. Okokokate, ozo kangama yebale, okokokate. Ce qui est public est public, ce qui est privé est privé. La Pareco n'est pas une histoire privée, c'est une histoire publique. M. Mbanda n'est pas une personnalité privée, c'est une personnalité publique. M. Mbanda zali moko nakati yebale. Vous ne pouvez pas interdire aux gens de ne pas parler de M. Mbanda. Il faut attendre qu'on l'enterre. Jamais qu'on l'écarte, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas comme ça la chose publique marche. Il n'était pas une personne, une personnalité. Il y a moqué. C'était une personnalité bien connue dans Boka d'Abisso, publique. Etienne Tshisekedi wa Mulumba est mort. Etienne Tshisekedi était une personnalité publique. On n'a pas vu la famille politique d'Etienne Tshisekedi dire, même Bisso Batozali en opposition, pas le bakeno, et tu es un secret de la koufi, bon le bakombo na yete, il faut qu'on respecte ma mort. Et les Congolais n'arrivent pas, il y a copé sa définition na ye, ou azo le bak, respecter les morts, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par respecter les morts? Et tu es un secret de mort. Tout le monde a parlé ici, na diaspora ou na Congo, tout le monde a parlé de tu es un secret de mort. On n'a pas vu la famille de Tshen Tshisekedi, ni biologique, ni politique, interdire aux gens, comme Bakundi et Naonte, Bolo Bakombo Nayete, Bozela Bakundaye, ceux qui Bolobi, ils allaient non-respect na ba mort. Yango na Zoloba, nous avons une résistance qui n'est pas consciente. Ne parlez pas de M. Mbanda, respect Naye. Choko linga kaye, respect naye, koloba po na yete. Même si vous allez koloba malam po na ye, koloba te, respect. Mais qui n'a pas prononcé le nom de Tshen Tshisekedi wa Mulumba pendant les deux ans, otobane koze la bakunda ye, atombra mousapina ye. Qui n'a pas parlé de Tshen Tshisekedi wa Mulumba? Deux ans après, Azeliti, deux ans, Erba Kundiye, Abandi Kolobela Makambo et Tshen Tshisekedi. Nani, Atombola Moussapinae. Voilà. Il y a une autre ici, Loriane. Vraiment, c'est ça l'idiotie avec les Congolais. Au comique, on passe exemple à l'UDPS. Pourquoi pas? L'UDPS, Bazabe, ennemi Nangate. C'est ça. Voyez-vous des gens qui ont raté l'école? Excusez Gande Golanga, mais en tout cas, franchement, vous avez raté l'école. Au comique, on peut s'assurer cet exemple à IDPS. IDPS, Bazab est ennemi Nangate. Mais IDPS, Bazali, Batu Oyo, Bazo Salamoussala Malamute. Mais ça ne signifie pas dans l'IDPS tout ce qui se passe dans IDPS. Et Zali Kakamabe. Voilà, Idriss Déby est mort. Nazomo na bato o bazo bisanga ko lobate mbanda kufi respect au mort. Nazomo na bazo koma makamba Idriss Déby. Est-ce que vous respectez les morts? Oh baza ko ya ko yebisanga to za ba bantu. Ne parlez pas de lui, il faut attendre qu'on l'enterre. Mais pourquoi vous parlez d'Idriss Déby? Idriss Déby est Muntu. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. C'est qu'on interdit ce qui m'ont accoufi. Ezali, qu'on bébé sa réputation na yetoze la bakunda. Et surtout banani. Famille biologique et la famille politique. Mais je vous dis na famille politique, na outi kokota na se amai lobby. Mais c'est gâté là-bas. C'est gâté là-bas. Respect à ma mort, Ezati. Tomoni ba nomination. Bakundi nanou mukonzi na bangote. Tomoni ba nomination. Wana respect ya mort, Ezali. Tomoni ba communiquer ba réunion na bango ya secret, ba bimisha ngon na public. Wana respect à ma mort. Mais quand Yombi dit, ba traître oyo ba bomisi, kulutu, baya na matanga na yete. Non. Wana ozo respecte ba mort te. Prof, yo zali prof, il faut qu'on respecte ba mort. Y a un problème sérieux. Y a un sérieux problème. Madame Lauriane, je pense que il faut te bloquer yo au Kende. Merci. Elle est bloquée. Donc, respect à ma mort et Zali. Il faut qu'on y ait pas. Comment demander respect à ma mort? Moutouso qui a koufi, tolobi, batouba trahirie. Oui, tout le monde en dimi, batrahirie. Alors, batouba trahirie, bayate. Bayate, koubi, msaba lame de crocodile. Wane komi, non respect à ma mort. Alors, est-ce que vraiment tu as raisonné malam? J'ai compris cette histoire-là, il y a respect à ma mort. Une association, il y a ma mi. Les gens qui nous appellent de Kinshasa, les gens qui nous appellent, prof, conseil, nazo, pesayo, kolobela, soit pareko, te, non. On a conseil à malam, te. La pareko, c'est une histoire publique. Il faut te lobela, yango. Pour Batumsu bazo ba leçon. Il faut tolobela yango. Et bosa la distinction, différence entre la pareko et l'esprit mwanda. Eza eloko mokoti. C'est différent. Il y a la pareko, na makambu na bango, kuna na se amai eza ko gati. Et l'esprit mwanda, oyeko yiko zwa mutu nyonso. Moi, je suis kimbangiste. Kimbangiste, l'église kimbangiste était. Moi, je suis moi, je suis kimbangiste. Mais je n'ai rien à voir avec l'église kimbangiste. C'est comme Batumsunde Toza Awa, Bazaba chrétien. Vous n'avez rien à voir avec Israël. Et si Kaye soit Botami? Bah, musulman Bazali, vous n'avez rien à voir avec Mahomet, avec Esika Botami. C'est-à-dire que l'esprit Mbanda, ce n'est pas dans la pareko. L'esprit Mbanda, Ezali na mutu nyoso o abande kolanda ye, à croire na makambo na ye, à croire na lit na ye, l'esprit Mbanda, e koyu kozoye, a koyu kozoa lit wana, a continuer nango, a zala nango na résistance ou na opposition. Alors, moutou moko zana monopole ya yangwanda te, ngwanda zali biswa pareko, ngwanda pareko, ne parlez pas soko lobi, respect zate, laissez la pareko. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et là, comme ça, on a voyé ça à Bandeko, tous les gens qui ont été sili sawana, les Congolais ont basé une association, une organisation locale, une association, surtout dans la diaspora, ont basé une association, même dans le Congo. Quand vous créez une association, il y a des gens qui me contactent. Prof, tu as une association, tu as un problème, est-ce que tu as un salisabiso pour trouver des donateurs, babayer des fonds, ba pesa kambongo, ba aider biso. Bandeko boyoka cette histoire. Et ne me dérangez pas. Ce que vous avez une association, une organisation et vous cherchez financement, la première des conditions, votre association ou votre organisation doit être enregistrée légalement dans le pays où vous opérez. Association Nabino ou organisation Nabino, il faut les aller enregistrer légalement. Il faut les aller dans un statut légal. Namboka oyo bozali ko opérer. Ce qui bozali na Congo, il faut bozala enregistrer na Congo. Ce qui bozali na diaspora, il faut les aller enregistrer dans le pays où vous allez. Batu oyo ba pesa ka mbongo po basali sabino na organisation na bino na ONG na bino et loko ali boso batalaka, est-ce que cette organisation est légale? On ne peut pas financer une organisation où il y a légalité. Jamais. Ce qui va financer en gros, bango siko ba kozala taxé, indexé que baza ko financer ba organisation oyo bazala kana ba dongolomisho. Pour chercher financement, d'abord, il faut que votre organisation soit enregistrée, avoir un statut légal. Et ba pesa ka financement kaka boye pamba pamba te, ba pesa ka financement na ba projet. Ça, bandeko oyo ba komisa ki na ONG na biso, ba ozala na chance ko découvrir biloko oyo. Ba ozala na chance ko kuta na ba bayer de fond discussion. Nous allons organiser rencontre et conférence entre certains bailleurs de fonds au Bapesa Kabambongo, na ba ONG congolais, to kutana ba koye bisabino, ba projet nini bango ba finansaka, pourquoi ba rejeta ka ba projet mususu, pour ni ba rejeta ka ba demande mususu, to bagoza na chance ya koye bango. Et ne venez pas me déranger inbox, prof, nga pena lingi na zala na ninyo. Non, c'est déjà clôturé. Il faut causer la session mususu. Oh, déjà ba komisa ki ba komisi, c'est tout. Il faut pas faire le trafic et influence. Prof, tu sur la ganayo. Eh, bah, comme on est babandra, prof, na landaka ba vidéo, na yo, nyos on a landaka. Prof, na yo, kaki makamba, ONG, nga pene lina kota. C'est-à-dire que, si on kotiye na ONG, ako landape ba vidéo, na yo ti. Franchement. Soki on linko kota, il faut causer là, bato mousous, ou bako misa ki déjà, nombre wane koki. To banda ki déjà, première rencontre salamaki. Et par la suite, kalamingite, tozo lancer l'invitation pour la rencontre ya mibale. Les dossiers que nous avons, les ali dossiers, ya ba professeur mousousou, ou bako yi kondima, ceux qui parlent français, ou bako yi kondima, ba yako kota, pour que ba pesa kabakour na bango, na matière où ils allaient concerner ba ONG et ba professeur Ebele Otoyebi ba lobaka anglais et tozo luka peut-être passé par là même na kati ba congolais au bazar na kati wana il y a des congolais qui peuvent enseigner quelque chose le cola un prêtre catholique un père catholique qui s'est manifesté à partir du Brésil qui est congolais et je pense que tu peux approcher pour y appeler ça cours ya morale et éthique peut-être cours nyoso ça dépend ya formation na ye mais en tout cas c'est une personne au foisala na structure pour que aye debiso ko pesa ba cours mususu na kati awa alors donc ce que je disais là c'est que soki ozali na organisation ba, pro, ba, ba financement ba senga kaka boye te. Prof toza na organisation moko boye. Alors est-ce qu'on peut ko financer biso? Ko ko biso finance. Kaka boye. Ndenge nini? Na eko banda eko banda ndenge nini? Eko banda ndenge nini? Il faut qu'on yeba gestion ya projet. Yo ozali na ONG. Mais oyebi ko oyebi gestion ya projet te. Mais c'est quoi ça? Ils allaient aventure ou bien ils allaient ONG ya solo? Parce que na kati ya ONG fubo zala na ba expert na gestion ya ba projet. Batu basala économie bazai belé. Bon ko consulter na Kinshasa ba balé ki na biso batangi bazana misala te bazai belé. Yo ozana projet ezana Europe ezana na diaspora. Mais ozana expert te na gestion des projets. Na Kinshasa lance appel na université de Kinshasa ou bien na IEC ou bien na UPC. Ou bien na Yolka, ou bien na ba investir zay belé na Lubumbashi, na Kisangani, lancer appel. Nani a sa la chance économique, mais a sa musalate. Aya ko sa la même part-time job, temps partiel, musala moka temps partiel, ya ko aide biso to, to sa la ba, a la kisa biso gestion ba projet. Ba sa e belé ba to. Alors, na sa na ONG, e sa li 7 ans prof, mais ndenge nini, financer biso. Luke la biso batwa financer. Ndengeni. Projet ezate. Soki batwa na bazate, batwa bazate belé na Kinshasa bazali ko chome. Cherche quelqu'un qui est gradué, qui est licencié. Je pense, na niveau licence, hein, je suis des projets. Ou aza licencié, aza na moussalate. Akoyi ko zwa peut-être moi $100, $200 par mois. Oyo, akoyi ko aide bino pour la gestion des projets. Alors, Et ça incontournable, moto et gestion des projets dans la ONG. Il faut azala. Sinon, tu as la mon boulot pour besoin de financement. Mon boulot. Alors, nazali na pesa ka ba conseil individuel te. C'est ba tu es belé na kokite. O pesa conseil na oyo, pesa oyo. Alors, na salam salate. Alors, salam salate. Donc, j'avais dit bah tout oyo bazana besoin makambo ya ONG ba yeba ba s'inscrire oyo ba s'inscrire déjà c'est assez et ba tout msusu base la prochainement que bo contact anga inbox prof nazala ONG est-ce qu'on peut ça biso conseil non pardon na ko pesa conseil na ba tout individu combien donc na ba ko sala donc 24 heures sur 24 ozo pesa conseil na ba tout non voilà. Je pense que et l'autre n'a pas le balai lui a mangé le beli makambuya ce qui s'est passé dans Tchad, ce qui se passe dans Tchad, totuni conséquences leçon ni pour na biso ba congolais parce que Idriss Déby méthode na yé travail c'est la même méthode de travail que Félix Azali Koke Nango. Alors est-ce que koyiko pesa biso leçon te parce que Idriss Déby a commencé d'abord par se faire entourer par les gens de sa tribu. Il s'est fait entourer par les gens de sa tribu. Il n'a fait nommer que la majorité, les gens de sa tribu. Yango Moutou et Yeko Pesa parmi ma contestation Yabatu au niveau politique. Baneko dénoncé tribalisme, Idriss Déby. Baneko dénoncé népotisme, Idriss Déby. Et ça s'est agrandi et qu'il est au niveau militaire. Et voilà, ma conséquence, Lélo. Alors, tu crois que le banini, Félix, yebela. Tu l'obéli, sousou, Félix, na niveau ya aner, kuna, azo longo la batou en cascade, ba suspension, raison, incompétence. Incompétence, te, raison, aneza lokuta. Il y a quelque chose qui se passe. Tu yebi sa ki bino, ti na moi, de juin, juillet. Tu es bisaki bino. Congolais alina ko yokate, il faut nzambatin daba Saint-Gabriel pour baya ko loba, pour Congolais a comprendre. Mais sinon, bana ya beni, bazo benga Félix, ba kende, a kende kuna na beni, bazana ba question pour na ye. Bana biso école secondaire, ba ke ina liboso ya mairie ya beni, bazo exige présence ya Félix kuna koma prometa ki bango. Il era promis. Il faut assaler le hango. C'est un président de la République. Tout le monde est président de la Bakadio Chate. Alors, tolobeli résistance. Résistance, ezali kleb ya ba mité. Résistance, ezali batu oyo bazali ko penser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour na ko changer makambo oyo tozali ko résister contre yango. Bokoyi ko zala ba ami. Mais na cadre de résistance, ce qui ami a sali mabe, azali ko sala mabe, il faut qu'on lobe la ye, il faut qu'on dénonce la vérité. Parce que tu as s'opposé contre mensonge. Biso pe toko yuko évolué dans mensonge te. Eza la kate, eza résistance te. Tu as ko lobe la, na ye ko remarke ma kambwe bele, anark, eza li na résistance, escroquerie, eza li. Et je me suis demandé, bon, il faut qu'on lobe la ye, ou bien il faut qu'on tchana na frigo. Parce que c'est pas bon. Ils allaient bien. Et bon, les amis, ils allaient se soutenir. C'est ça. Surtout, ils ne sont pas en Europe. C'est ça. Il y a un lobby. Ah, il faut soutenir. Il y a une personne soutenir et renoncer. Il y a une photo de Moutakala. Parce que dans la manifestation, il y a une salle de Bélé, il y a un bar, un restaurant, un Congolais, un tambola ensemble. Il y a une communauté. Il faut les mais la communauté, il y a une mingi bouzoba, il y a une communauté na biso soki bo vandi en groupe boye ba ye bakate ke o aza mwasi ya mutu abala ozomo na pe mwasi wana na bag na musapi mais congolais respect zate na mwasi ya bato mwasi pe ayebi très bien ke mobali wana bala respect zate ke wana za mobali ya bato alors biloko wana ba combine wana eleki mingi e pa na biso na diaspora e yango nde ezo pesa résistance na biso e fonctionner bien te tellement ba combine na eleki e comme si kolo la club des amis bazo se soutenir. Ils ont bébé sa résistance. C'est pour cela que nous appelons, où ils allaient deuxième jour, nous allaient Koloba, donc ça, là, nous allons bébé, bah, se manifester. Il faut qu'on lave cette résistance. Il faut une résistance intelligente. Il faut une résistance, ce qui est côté de noyau. Il faut que la moto roya na nini. Il faut oya na eloko. Oya kakate po na beta kama boko bien te. Ou yé na résistance, oui. Expertise na yé za nini. Ou koyi ko apporte nini na résistance. Ou non na beta ma boko bo yo zela, zanan pembeni, koto soki ba rezone, ba bimishi ba résolution ana, soki to tchango na pratique, yo si ko beta ma boko. Ou na pa besoin ke non, nga yé na mobiliza ka batou mingi, mobilizasyon si ko te, si ko to zan na besoin ya batou bazo pense, ou yé na papier, na kati ya papier, qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez proposé. Parce qu'on ne résiste pas seulement contre Félix, on ne résiste pas seulement contre l'occupant, on résiste contre la mauvaise, la culture négative na biso ba congolais. Ma kambouise est belé. Batu est belé, baza na résistance, baza li ko funda Félix, oh non Kabila. Kabila, oh yo moto, a ke classe te, a gouverné, a tanga koutou te, a gouverné Congo Mobimba, a dirigé Congo, Félix aye. Félix, oh yo, a tanga te, a dirigé Congo. Mais la résistance, to yebe zana batou, moussous kaka maloba, e belé, diplôme moko ezate. Bolo bini mpona bango. Tozo loba poe contre Félix. Ah, Félix, c'est la kaka Félix, a zo kokate, parmi ma kambezo pousse Félix a kokate, zali pe classe, mouboulou. Oui, ton dimi, c'est vrai. Kabila, ndenge moko, Kabila pe, yaki Kabila koto, Kabila koto. Oui, ton dimi, mais ndeko, na résistance pe, et zana batoum sou yo zo appuyé. Diplôme koutou même école secondaire a zan angote. Et nga na yev sa kabino le français, la langue. Batupe bazali na France ou abotama idiot bazali abotama idiot mais il parle français très bien. Hein? To koti na se amai to lukito lukito moni titre mokote. Comment vous allez diriger? Parce qu'il y a des choses. Rediriger kaka français te, rediriger kaka anglais te, rediriger kaka riche te. Il faut qu'on dirige avec bagage. Il faut ça. Ce n'est pas pour rien, parce que c'est quand même classe, qu'on comme même la doctorat, mais quand même minimum. Alors, vous voulez diriger avec quel titre? Tu crois qu'il y a un temps pour Félix? Tu crois qu'il y a un temps pour Kabila? Alors, à quoi a servi ma critique Nabiso contre l'étude à Félix, contre l'étude à Kabila? À quoi ça a servi? Yo, vend la résistance, vous avez appuyé Moutou, et vous avez appuyé Moutou, et vous avez appuyé Moutou. Mais du fait de grandir dans le monde anglais, il y a anglais. Du fait de grandir dans le monde français, il y a français. Du fait de grandir dans le monde espagnol, il y a espagnol. Mais titre est très bon. Alors, il faut continuer. Il faut tout la résistance. Il faut tout la résistance. Pour le kébélé. Voilà, mes chers amis. Merci beaucoup. 1h30 minutes, 35 minutes. Merci Mingina Bandeko, Odette, merci. Merci, Odette Ibanda, merci. Merci Mingi. Et Nabino Nosobolandi Bisso, merci. Bozala vigilant. Nauta y koloba pe que. Barobina loba ba kombote, batu ba komi yabatu, monopole yabatu. Mais na yoke ba kokunda les quatre. To koti na se amai, to moni. Na kate ya forum, to moni. Ba kokunda les quatre, mais. Les 4 mai Barokunda, donc le 8, le 8 mai ou le 15 mai, notre vidéo du siècle. Oyo, tokoloba, elokoni, to yoki, elokoni, to moni, et toko proposé, futur, ya biso na résistance, et koza la ndenge nini. Na otaki pe koloba, na koti na mai, na moni kuna ba kamanyoka, ba mungusu, ba ndakala, grave, ko finga na kunda grave. Kutu pema, na kota kena se amai, pema vrema na bimi, po na kokite. Na kokite. Na kopie nyoso, na kopie, kopie, kopie, kopie. Na zana ngo, aso na piblia ngo, moko kamo. Tu seke, bazo yu sabilo li bandi. Bon, seneke normal, batu bago roba keno, yezama kamba fami, oui, yezama kamba fami. Men, o bozo ma li banda, bozo kosati. Yango tozo ya mensonge botika. Mensonge nde botika. Bareke bandakala bakamanyoka bamungusu ba bambisi ba naiba kutuba komba bambisi ngoni yosote. Eza gâté na se amai, gâté. Je vous dis gâté. Alors, ne croyez pas que tous ça batumoko simple citoyen comme ça. Tous ça capable à okota na se a mai nyoso. Tous ça capable. Ne komoka benga ngana kishasa. C'était quand? Il y a 3 jours. Prof, kolo bena batote, kolo bena bisote, kolo bena bisote, bisote sa liboy, bisote c'est à pareko, c'est la résistance. Ça. Ndeko, je connais beaucoup les choses. Oye bite, l'ongwa lukuta. Naibisi ndeko, oh bon, po oye bake na ebite, tindela nga adresse sa email na yo, courriel na yo kaka tinda. Po oye bake na ebi, na oye bisho ba histoire, tinda kaka courriel na yo. Nako tinda, ngala zamu, ngayi na yo, nga okoka ngate, nako tinda, atindi courriel. Naibisi ebo, pesa ngayi iner, benganga. Asa tembea, iner pe a benginga. Naibisi ndeko, jour boye, date boye na air boye, komaki courriel boye na mutu boye. Date boye, jour boye, tinda ki photo na mutu boye. Date boye, jour boye, lubaki na mutu boye na courriel. Après, lubaki nini? Prof, esuka entre biso, ko publie yangote, siko onde na ndimiyo. Ayebisi nga omoni, na bitumbande, baye baka ba vrai ami. Kamea mitoswani, si on a eu comprendre que vous allez penser mutu ou vous pouvez vous faire ça. Ah, vous avez dit que quand je vous dis na mai kuna bandaka la barreque, ça c'est gâté. C'est gâté, il y a solo c'est gâté. Bazo kosa, c'est gâté. Congolais alingi souffrance. Bozobana na Congo na biso bazo ne bazo souffrir. Bavangi na bangote. Na beni bazo boma. Ba Congolais bavangi na bango. Congolais donc a message na souffrance et comme le col habitude, moyen changer exacte a continuer ka na souffrance. Congolais alingi vérité té. So yebisi mutu vérité, yebisi batu vérité. Yonde siko mutu akoma mutu akwa bat. Donc ezali lokola ténèbres na lola. Donc, et ça n'a raté ça n'a raté bah on combattre yo ndingma o ça n'a raté mais en tout cas biso nous nous sommes préparés que toi vraiment avec sincérité avec vérité na kata résistance alors moto nous ça ko ta pour combattre biso bandaka la to occuper bangote bandaka la wa likolo na samulili eh akoma boye atinda boye aloba boye toza nango boze la vidéo wana vous allez voir ba courriel eza la boye effacer ebele ba effacer aiza la boye effacer na kozwa yango eza la boye effacer na kozwa yango ah muto moko ta roya ko loba ono eza ngate akoselinga wana fake montage te soki montage yaka na courriel na yo kitsa wana bocha camera live ngana yebi sabato bokende sika boye bocha code boye boko mona eloko boye ko bima o a effacer nyose ko bima o atinda ki demande ya audience na Felix ayana courriel na yeba to batala nzoka nde biso to yebate nzoka nde ye muta proposa le 11 mbanda vivant a proposa ba kende ko rejoindre Felix erona monsieur Yombe azalaki erona monsieur Yombe muta ayi ko kopanza mbanda vivant aye ko proposer pour proposer à ton chef que tu connais rejoindre régime c'est qu'on bandek déjà ba contact yo vandi na Europe bango bazana ki chassa siko yo le bien non ngai yo awa na Bruxelles siko yo nani azwa ki ba contact pour ya ko proposer pa ya mbanda que tu connais rejoindre Félix au mois de novembre déjà de l'année passée ba yebiye déjà entre bango ba bombe la binote tout ce qui s'est passé na ba réunion na ba bombe la bino ils ont couvert leur ami ba couvrir ami na bango aye ko proposer na réunion azui maloba pendant 20 minutes na zana audio pendant 20 minutes aye ko proposer ba ke ne ko rejoindre Félix entre ta bino kuna na diaspora na résistance oh non biso ba ta pari ko bozobi iyo le zamba kuna na réunion il y a des ceux qui proposent ba ke ne ko rejoindre Félix donc ba contacte si banda ki déjà congolais alingi vérité té wana za muta ko protéger il faut les protéger yombinde mutalinga panza résistance il faut la battre mawa pesoni mawa vraiment pesoni rendez-vous le 4 mai non le 8 mai ou bien le 15 mai vidéo du siècle wana bobo manabino kaka bobo makaka problème zate bozo ba avion boya boboma mais vérité nanga ekotika la vérité wala mutu nisa koyeba nani azali nani. Me toyebi ke groupe yaba ami bozo se prepare deja. Non, mutu oyo, ifu kwa atake ye. Ifu kwa atake nga na saini. Boza ba traître. Boza ba traître. Bozo kosa batu. Batu bazo nyokoma. Na ba yuver, na ba malili, ba march, babiloko boi. Be seke vous faites na kuzu. Est-ce que zali vraiment soki ba moni yango. Bako stepe la nabino. Na mois de novembre déjà il y a début à hiver na bamboka msusu. Bato ebele bazo tambula pona ko soutenir résistance, soutenir apareko. Mais bato apareko na kati bazo proposer ba ke ko sala na Félix. Nani akwai ko lota même na ko lota na apareko. Nani akwai ko lota ke yo ya quelqu'un quelque part avec monsieur Honoré Mbanda azo proposer monsieur Honoré Mbanda a ke ba ke ko rejoindre résistance. Mais réponse à Mbanda ezala kini. Réponse en Mbanda, Ezra qui pensa réponse il y a dragon. Soki bolingi, bobaye, démissionné, bo kende ko rejoindre Félix, na kote koner nangate, na kote ka komba nangate. Vome na koufa na pauvreté nangaye. Si vous voulez rejoindre Félix, démissionnez, allez-y. Nani a yebisa ki bino makama, bango nyoso o bazwa ko defande. Yombe a lingi ko panza résistance. Yombe a panza résistance, yombe a yena vérité na résistance. Bino nyo sonde nge boza, nani ayeba yike, kuna bazo propose ba kenosana na Félix. Soki mbanda za laka dire te, mbele bozo mwana bango ba ministre kuna te, epa Félix, ube ba conseil epa Félix, wana ero na kongole si kwa sutu kaka, batoyo, nzo kande batoyo, ero bazo sinale bino ke batoyo baza ba traître. Tellement, baza ba groupe d'ami, bozo ndime la bango, ami nanga lobi, eza lukuta, yombia kosi. Mais, binomo boye bi, mois de novembre déjà, banda ku finante. Mois de novembre. Ngana ye na yibsi bino ke na kati kuna, na kati ya batu kuna, ya ba dirijan na bino, moko a komi mukanda e pa Félix, a kuta na Félix. Il a bien dit, Mbanda est mort. Il était dur par rapport ya régime na yo, biso siko na pareko, ya koufi, biso na pareko tozi des choses à main. Ce qui dit la pareko, c'est ce qui dit la résistance. Na lingi na kuta na président, to solo la, ndenge nini, biso na pareko, to koki ko kalme résistance, po résistance e kota na cause ya vision ya chef de l'État. C'est ce que le monsieur a écrit. Congolais baye baye bichye, ah, te, akosi, alinga panza résistance, alinga, a panza résistance, si ko boyoki, bango moko baye ko bim, c'est pas moi qui l'ai dit, monsieur Zaki l'a dit. Réunion, c'est Zaki qui l'a dirigé. Nan a contredit Zaki. Quelqu'un entre Bango, Asitaï Kombo Nayete, qui a demandé bah, qu'il rejoindre Félix. Mais cette personne, c'est la personne que moi j'ai citée, qui a demandé l'audience avec Félix. Nayeba qui a mon dégéni. Mais chez Zaki, il a parlé après moi. Si vous n'avez pas qu'il y a dégéni, qu'il y a quelqu'un dans la Parico qui a demandé l'audience avec Félix. Bon, dis-moi la cabisso. On ne peut pas venir ici, collecter ça une heure, boye, deux heures, boye, pour n'a pas Sabino. On n'a pas cet intérêt. Tous les amis, ça, les belles, tout ça. Mais quand on vient comme ça, tous les amis, souci, en bon, cannabiso. Nous voulons que ma cambo qui est de ma lame. Soit tous les amis, qu'on contredire, bah, mensonge, y'a pouvoir en place. Tous les amis, qu'on contredire, bah, mensonge, y'a occupant. Bisso, dans la diaspora, tu vois, qu'on utilise, bah, mensonge, t'es. Tu vois, qu'on utilise, bah, mensonge, t'es. Alors, Koloba Boye Mouta Panji Résistance. N'a pas dit résistance, t'es. Je vous recommande, bo se ressaisir, bo ya la vérité, bo ya kana mensonge, bo tika lukuta, et le qui est belé. Nazali a na bo dio ya batu ya pareko 4. Ceux qui me combattent, le kolanga na zoe la ba poste pa na bango, nazan ni membre pareko, résistance est en chef t'es. Na yebite na zo combattre bango na nini. Ils reconnaissent que na pareko mensonge zé belé. Bango moko, bo zela vidéo de siècle. Boko yoka. Ils reconnaissent bango moko na pareko, oui c'est vrai, mensonge zé belé. Alors, bo sala kanini po bo corriger yango. Bo sala kanini po bo corriger yango. Mensonge yona e pa banane. Contre batu bazo landa binote. Mensonge na boko saka banane. Batu bazo landa binote. Et il faut laisser ça. To continuer kakaboye. Et pourquoi maintenant combattre Félix na mensonge na ye? Faut combattre, comment, pourquoi combattre ba okipa na mensonge na bango? Si vous, vous utilisez les mêmes mensonges. Non. Moi, j'ai dit, résistance au ifre soukwama. Nga na za moutou ya se amay. Bolini ko zwa ba info, venez. Na ko pesa. Na ko pesa. Merci beaucoup, mes chers amis. C'était juste votre frère dans la vérité, dans la résistance. Moi, na ya meni Congo, ngudia kama, ki ya njikola, les dragons rouges. Merci. Bokabola vidéo avant la kata, s'il vous plaît. Bokabola. Elena, gracias. Merci. Elena TV, merci. Merci. Merci, ma chose, la ma soeur, bien mon frère, na ebite. Ah, Elena, hein? Voilà. Peut-être combo à télévision, mais na ebite chose, la ka. C'est pas important, c'est pas important. Merci. Merci en tout cas. Merci. Allez, bye bye.